À l'aube d'un nouveau jour, quoi de plus important que de parler de l'amour? Mes pleurs pour celles qui nous ont donné vie, respect pour celui qui leur cœur avait conquis. Sacrés sont les principes qui nous ont légués de génération en génération, savoir transmis jusqu'à l'infini des temps. Autant l'emporte nos fonds gravés dans nos mémoires comme les 10 commandements. À cet instant précis, j'aimerais avoir des ailes, m'envoler, explorer d'autres horizons. Aigle, comme l'indique mon nom, vivre, âme libre, tout simplement vivre. Vivre. Mourir, partir, marquer son épaule, tout faire pour pas finir en l'autre humaine. Amen. Quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai en paix le jour où j'irai dans l'au-delà. Mourir, partir, marquer son épaule, tout faire pour pas finir en l'autre humaine. Amen. Quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai en paix le jour où j'irai dans l'au-delà. J'suis pas né pour tomber dans l'oubli. Mon enfant sur les rues Bakongo et Bifuji. Je me demande que sont devenus mes amis, ceux avec qui j'ai grandi, brandi pour la première fois le Mikey. Après de longs jours de maquis, le temps passe, mes pensées je ressasse, rien ne se passe. Toujours dans la crasse, être face, prêtre à mes supplications, inattention prête. Selon eux, nous sommes primitifs. Selon nous, de notre décadence, vous êtes le plus grand motif. Fils de Judas, banni et haï de tous les peuples, tous pour l'œuvre. Mourir, partir, marquer son épaule, faire pour pas finir en l'autre humaine. Amen. Quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai en paix le jour où j'irai dans l'au-delà. Mourir, partir, marquer son épaule, tout faire pour finir en l'autre humaine. Amen. Quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai en paix le jour où j'irai dans l'au-delà. Pour une œuvre pure et dure, j'œuvre à l'honneur d'une race d'humains. Et ton art planté en haut du mât. Hypocrite, parasite, arrête de nous coller au cul comme un furoncle. Et on sale fils de... T'as des couilles, engage la lutte. Mille excuses aux âmes sensibles. Noblesse oblige, ça fait trop de piges. Normal qu'aujourd'hui je règle mes litiges. Autrefois je t'appelais mon frère. Seulement de toi, je n'ai que des souvenirs amers. On se retrouvera à la croisée des chemins. Si c'est ainsi qu'est tracé notre destin. Seigneur, fait que rien de fâcheux n'arrive à ma fine fleur. Rire, partir, marquer sur les familles, faire pour pas finir en l'autre humaine. À la scène, quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai son paix le jour où j'irai dans l'au-delà. Mourir, partir, marquer sur les familles, faire pour pas finir en l'autre humaine. Amen. Quoi dire d'autre? Inch'Allah, je serai son paix le jour où j'irai dans l'au-delà.